remercie les organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir du coup là, notamment sur la question du sentiment amoureux nouveau peut-être, enfin nouveau ou en tout cas domaine d'application peut-être de ce dont tu as parlé précédemment, le big data de l'amour et du coup de causer un peu des sites de rencontres, alors de les prendre au sérieux, de considérer que même si ils peuvent apparaître comme un objet d'étude, quand même un objet d'étude un peu insolite peut-être auquel on ne prête pas attention, l'idée c'est de s'intéresser à ça pour voir ou pour tenter de décrypter quel est le projet, quel est le fantasme derrière la programmation, la rationalisation ou le projet de rationalisation de l'amour qui est à l'œuvre dans la profusion, la prolifération des sites de rencontres. Alors, le point de départ de l'analyse, du travail, c'était une citation d'Horkheimer dans les années 60. Hein, et Horkheimer causait de la fin possible de l'amour individuel. Et il utilisait ces mots-là. Il disait, il n'hésitait pas à affirmer qu'aujourd'hui l'amour est fade, désérotisé, il serait mûr pour être programmé. On était dans les années 60 et évidemment bien avant l'explosion numérique à laquelle on assiste aujourd'hui et à son corollaire évidemment la multiplication des mal nommés sites de rencontre. Alors cette question du sentiment amoureux, de l'amour, c'est là où peut-être je vais avoir des problèmes pour cerner le travail, on peut l'appréhender de manière spécifique, mais elle est évidemment à mettre en relation avec les questions, enfin de manière générale, avec les questions sexuelles, avec les questions de l'érotisme, avec la question aussi peut-être du genre, donc elle doit s'appréhender dans quelque chose d'assez vaste. L'idée là-dedans, ou ce dont je voudrais parler, c'est comment l'expansion du capitalisme finalement à l'échelle globale, comment la domination de la valeur sur l'ensemble des sphères de la vie ne pouvait pas s'arrêter à la sphère amoureuse, ne peut pas laisser de côté la question du sentiment amoureux. Et donc, la liquidation du sentiment amoureux par l'amour programmé par les sites de rencontre, elle est aussi, à mon avis, à mettre en relation avec d'autres questions dont on a parlé ou dont on va parler dans la journée. Elle est aussi à mettre en relation avec la question de l'utopie. Est-ce que le sentiment amoureux n'a pas aussi à voir avec une possibilité utopique, et en quoi le site de rencontre vient attaquer cette possibilité-là de création utopique, en quoi aussi le site de rencontre vient lutter contre le jeu, comment est-ce qu'il vient lutter contre le jeu amoureux, contre la possibilité aussi qui existe à travers le jeu, de créer un monde, de créer une culture. Donc c'est autour de ces questions-là que je vais essayer de travailler et puis qu'on travaillera après. Donc la prolifération, dans le premier temps, l'idée c'est de causer de l'amour programmé, et donc comment la prolifération des sites de rencontre, le recours massif au numérique, l'emprise que celui-ci impose sur les relations humaines ne pouvait pas donc s'arrêter ne pouvait pas continuer à s'étendre et donc à s'étendre aussi à la sphère amoureuse. Aussi aujourd'hui dans le monde capitaliste, l'amour apparaît de plus en plus comme un problème à régler, apparaît de plus en plus comme d'autres éléments qui cimente ou qui façonne la vie sociale, l'amour apparaît comme un problème qu'on va devoir liquider. Non plus comme une expérience, mais quelque chose qu'on peut résoudre. Comme quelque chose qu'on, alors que, enfin, comme quelque chose auquel on peut trouver une solution, et cette solution-là, elle peut s'organiser, elle peut se prévoir, elle peut se rationaliser, et le site de rencontre va nous aider, enfin, vont nous aider à répondre à ce problème de l'amour. Donc c'est sur le mode de la résolution, et notamment de la résolution algorithmique, que les sites de rencontre se proposent de régler le problème. Parce que c'est bien ça dont il est question, c'est régler le problème. Le développement du capitalisme a, on le sait, pour partie détruit un ensemble, détruit des solidarités, détruit des liens collectifs, détruit des possibilités de se mettre en relation, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans un monde où il y a de plus en plus de célibataires, et du coup cette situation-là, elle apparaît comme problématique, et donc il nous faut une application pour régler ce problème-là. Donc le site de rencontre vont fonctionner de la même manière, ou quasi de la même manière, que fonctionnent d'autres applications qui servent à régler d'autres problèmes de la vie sociale ou de la vie quotidienne. De la même manière que lorsque l'on va chercher un billet de train ou un billet d'avion pour aller au Pérou, on va rentrer tout un tas de critères. On va rentrer la date, on va rentrer le lieu, on va rentrer l'horaire, on va rentrer ces éléments-là. Eh bien, on se propose de faire exactement la même chose dans le domaine de l'amour. On se propose de rentrer des caractéristiques, on se propose de lister des caractéristiques objectives, de définir des types d'individus, on se propose de normer des comportements sociaux pour régler ce problème-là qui nous fait souffrir ou qui nous met en difficulté. Alors du coup, je sais pas s'il y a besoin de tant de développer que ça sur comment fonctionnent les sites de rencontres. Je vais le faire rapidement. Mais du coup, les différents sites, donc, que vous connaissez peut-être, Mythic, e-Darling, alors qui sont aussi très spécialisés, ou qui renvoient aussi à des catégories spécifiques. Vous avez Mythic, on va dire, c'est le tout venant du site de rencontre. Vous avez e-Darling, le site de rencontre spécialisé pour les personnes sérieuses, autrement dit pour les cadres dominants pour les cadres dominants de la société contemporaine. Vous pouvez aussi avoir un site spécialisé dès lors que vous voulez plutôt faire des rencontres avec des personnes de confession catholique, de confession musulmane. Vous avez des sites de rencontres spécialisés pour plutôt rencontrer des personnes de couleur. Enfin voilà, tout peut trouver sa réponse, et on peut spécialiser, diviser, organiser pour régler ce problème-là. Donc, donc une existence de sites spécialisés qui proposent à chaque fois de régler le problème par les tests, par les tests de personnalité, par des listes de critères qui vont à la fin nous permettre d'aboutir sur la bonne personne, sur celle qui va pouvoir remplir, finalement, qui va pouvoir résoudre le problème. Alors, je vous cite e-Darling, vous m'excuserez, c'est pas du Adorno, mais donc e-Darling propose par exemple des profils compatibles choisis selon un mode algorithmique de compatibilité scientifiquement élaboré. Donc tout un programme. Donc une liste de critères qu'on liste de manière la plus exhaustive possible. Est-ce que je préfère plutôt qu'elle ait des lobes d'oreilles plus ou moins grands? Est-ce que je préfère qu'elle ait les yeux bleus plutôt teintés gris métal? Enfin voilà, l'idée, ce sera évidemment de progresser dans la définition de ces critères-là, pour qu'on trouve le bon, quoi, parce que souvent, ça rate. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver le bon. La logique, elle est celle-là, et elle va renvoyer malgré tout à des styles de vie standardisés. Évidemment, tout cela ne fonctionne parce qu'on va identifier des types, on va normaliser des types d'experts, des modes de vie qui vont pouvoir se définir, s'objectiver pour qu'on puisse ensuite les choisir. Donc en même temps qu'on effectue un travail de narcissisation totale, moi je suis dans quel type quoi. Moi je cherche quoi. C'est quoi exactement le style de vie auquel j'appartiens? Moi, j'appartiens plutôt à tel modèle ou à tel modèle? Je suis plutôt décontracté, sportly, ou je suis plutôt serious, dîner romantique? Donc, on se regarde perpétuellement le nombril pour se définir au plus près. Et dans le même temps, on sait bien que ces styles de vie standardisés, de manière dialectique, ils nous forment aussi, évidemment. Ils nous inscrivent aussi, ou ils renforcent cette normalisation, cette standardisation des modes de vie, des modes d'existence, ou pour utiliser un terme plus proche ou plus usité par l'école des Francfort, de l'expérience. Donc le postulat de base là-dedans, c'est que l'amour peut reposer sur la mise en œuvre d'un choix rationnel, sur l'exercice d'une stratégie de recherche amoureuse, parce que évidemment le langage utilisé là-dedans, c'est bien celui aussi d'une démarche rationnelle. C'est le langage de la rationalité, instrumentale, qui vise à s'insérer de façon efficace dans l'univers de la vie quotidienne des individus. L'idée, c'est aussi d'aller à l'essentiel. De ne pas perdre de temps, de ne pas faire de détours. Là, je vais encore vous citer Ida Ring, alors ce n'est pas encore non plus du Marcoux. Donc, Ida Ring, lorsqu'il faut aller chercher le dernier à la crèche, s'occuper du dîner, ou même ne pas pouvoir cuisiner soi-même parce qu'on rentre trop tard du bureau, vient le temps où on aimerait se rendre la vie plus facile. On aimerait gagner du temps, aller directement à l'essentiel. Avec un site de rencontre, c'est possible. Vous voyez aussi tout ce qu'il y a de déprécié là-dedans, enfin, de tout ce qui est du registre de la vie quotidienne qui est déprécié. On pourrait aussi travailler ça avec Illich. Faire la cuisine, construit comme une contrainte et non plus comme une expérience aussi où il peut potentiellement se passer des choses. C'est une contrainte qui pèse sur la vie d'individu, c'est une contrainte de trop qu'on doit liquider, qu'on doit résoudre. Pour passer à l'essentiel. Alors on cherche toujours un peu quand même l'essentiel. Oui, c'est joué son entrain. Donc ça pose quand même des questions finalement. Assez fondamentales sur. Ça pose des problématiques sérieuses qu'on travaillera par la suite peut-être dans la discussion, et notamment ça m'a fait travailler avec Anders, notamment dans le petit ouvrage Aimé hier. Il y a un passage où Anders évoque des discussions lors de ses cours, notamment des discussions qu'il a avec ses étudiants au sujet de l'amour, et puis il finit par dire à ses étudiants: la rapidité, c'est la barbarie. Et c'est la barbarie, pourquoi ? Précisément parce qu'elle coupe des détours. Précisément parce qu'elle coupe des chemins qui concourent à la formation de la culture. Et c'est bien ça qui est... Et c'est ce projet-là qui me semble être à l'œuvre dans le site de rencontre. C'est de couper des détours de la rencontre. C'est de couper de la possible création d'une culture amoureuse. C'est bien ça qu'elle... L'idée, c'est répondre au problème sans s'embarrasser du reste, sans s'embarrasser finalement aussi, peut-être profondément, de la question de la vie. Et donc Anders explique ça à ses étudiants. Il leur parle notamment il explique à ses étudiants que celui qui se jette directement sur le plat de spaghettis qui arrive n'a rien compris parce qu'il n'a pas profin. Il ne cherche pas à profiter de l'attente, de tout ce qui entoure et qui finalement donne un sens aux spaghettis. Et bien là, c'est ça aussi. comment est-ce qu'on peut donner un sens aux spaghettis amoureux si on se coupe des détours? C'est bien ça qui est en jeu. Et évidemment, lorsqu'on se coupe des détours, on échoue forcément dans le registre du fun, dans le registre de l'amusement, dans le registre du pratique-pro-pratique, de la voix. Parce que l'idée, c'est pas la création avec ses contradictions. L'idée, c'est d'atteindre le but le plus rapidement possible. L'idée, c'est pas ce travail d'élaboration. L'idée, on a parlé le matin. Du coup, l'idée, c'est peut-être ça. L'idée, c'est de construire. Et bien là, à travers le site de rencontre, l'idée, c'est de construire l'amour. C'est pas de l'élaborer dans une rencontre ou dans une expérience. L'idée, c'est de le construire. Donc, d'empiler peut-être aussi un certain nombre de caractéristiques objectives pour atteindre ce but-là. Alors, je sais pas où j'en suis sur le temps. Oh, il est l'heure de... Enfin, il est 19h22. Ok. La rapidité, c'est la barbarie. Ouais, la rapidité, c'est la barbarie. Passe par des détours. Alors, l'élément là-dedans, évidemment, c'est que, on s'en doute, dans la relation amoureuse, tout ne peut pas être défini par des critères objectifs. Tout ne peut pas se résoudre à une objectivation, à une rationalisation. Mais la question de l'amour, elle est parcourue par ce que Yankelevitch appelle le « je ne sais quoi », par des choses qui relèvent de l'ordre de l'indéfinissable, et que l'on ne peut pas, et que par principe, on ne peut pas résoudre dans l'algorithme ou dans la programmation. Si l'amour est notamment un support privilégié pour le domaine des arts, pour le domaine de la création artistique, c'est aussi parce qu'il se situe dans le registre du détour. Il exprime le détour dont parle Anders. Et on peut peut-être un peu travailler sur un futur. Qu'est-ce qu'il restera, ou qu'est-ce que l'on peut construire comme récit amoureux à travers l'utilisation des sites de rencontres? Qu'est-ce qu'elle peut générer comme imaginaire? Qu'est-ce qu'elle peut générer comme création intellectuelle, comme création culturelle? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir alimenter comme récit? Et bien, ça risque d'être peut-être un peu compliqué d'alimenter des récits lorsque le problème se trouve résolu par l'objectivation de critères et par l'optimisation d'un choix rationnel dans le domaine. Alors, l'autre élément sur lequel je voulais insister aussi là-dedans, c'est qu'au travers du site de rencontre, il y a la recherche de la vision totale de l'autre, de sa mise à nu par l'intermédiaire de l'écran, qui s'inscrit aussi dans une transformation du rapport des individus à l'intimité ou à la sphère privée. C'est Anders qui parlait de ça aussi et qui disait qui signalait que le monde est à la fois livré à domicile, mais le domicile se trouve dans le même temps livré au monde au travers de tous les dispositifs technologiques. Donc la puissance des technologies informatiques, de l'Internet, réside dans le fait que sont livrés au domicile des individus des sentiments amoureux, et que nous n'avons plus besoin de traverser un monde qui désormais vient à nous. Ce que nous appelons hier encore l'expérience est donc devenu superflu. Donc sont ainsi livrés aux individus des normes, des valeurs dominantes de ce qu'est l'amour, à travers tous les dispositifs médiatiques, télé, internet, radio. Et dans le même temps, les réseaux sociaux ou les sites de rencontres imposent à l'individu de livrer au monde sa propre intimité, ses sentiments, ses velléités, ces velléités amoureuses dans un espace qui est terriblement contraint, calibré, normé, et qui par principe va empêcher de créer cette relation originale ou cette relation singulière. Du coup, la rencontre amoureuse perd de son caractère privé pour se retrouver projetée dans l'espace virtuel, accessible à tous, et qui va transformer les individus en êtres totalement impudiques et totalement aussi narcissiques. La vie amoureuse est là ici percutée par le principe de visibilité absolue, et le point de départ de la rencontre sera le principe du dévoilement, de la livraison des secrets, afin de pouvoir créer cette relation saine, équilibrée. C'est lorsque je vais pouvoir tout savoir que la relation va pouvoir fonctionner. Donc il va falloir livrer ses désirs, exprimer ses plaisirs, confier son intimité, parler, échanger, communiquer sans relâche, et nulle distance ne doit pouvoir s'intercaler entre le sentiment et son expression, le désir et sa formulation, le secret et son dévoilement. Alors d'un point de vue plus politique, cette livraison de l'amour à domicile, cette projection de l'amour dans le monde, participe de la destruction de la sphère privée, participe aussi de la destruction du secret. Et pourtant, le secret contribue, la possibilité aussi d'avoir des secrets, c'est aussi une des conditions de possibilité de la démocratie. Et c'est aussi une condition pour qu'il puisse exister des vies singulières. On va essayer de le dire comme ça. Donc ça pose c'est là où le site de rencontre n'est pas finalement que quelque chose d'anecdotique, quelque chose d'accessoire, mais qui pose aussi dans le même temps des questions politiques profondes. L'autre élément que je voulais aborder, mais peut-être plus rapidement, c'était aussi la question du corps. On n'a pas forcément beaucoup abordé depuis ce matin. Et ce qui est mis en jeu à travers la rencontre amoureuse via les sites internet, c'est le corps objectivé, c'est le corps normé, c'est le corps conçu comme un ensemble de dispositions objectives. Couleur des yeux, cheveux, taille, poids, mensuration évidemment. Et ce qui est mis en jeu, c'est pas le corps vivant, c'est pas le corps incarné, c'est pas le corps charnel. Et pourtant, dans la question de l'amour, il y a bien cette question du corps charnel qui existe. Et cette question-là, à travers les nouvelles technologies, elle est traitée autrement. La question du corps charnel, en fait, sur le site de rencontres amoureuses, on traite du sentiment, enfin, on essaye de traiter, de résoudre le problème du sentiment amoureux. Et puis, qu'est-ce qu'on va utiliser pour traiter de la question du corps charnel ? Ben, on a le porno. Et c'est sur le porno, c'est sur le site porno qu'on va pouvoir traiter de cette question, enfin, qu'on va essayer de résoudre, hein, mais où, en tout cas, ça va être le retour du corps. Alors, c'est à nouveau un corps réifié, mais c'est là où le corps réapparaît. Et il n'y a pas, ce travail d'interaction dialectique entre le sentiment et le corps. Et c'est aussi pour ça que à terme, la rencontre programmée par l'informatique a sûrement un fort potentiel à échouer. Parce qu'elle évacue cette question du corps vivant, parce qu'elle évacue cette articulation entre le sentiment et le corps. Alors, peut-être pour... Alors, du coup, sur cette question du site de rencontre et de sa mise à l'écart du corps, on évacue aussi la question de l'érotisme. On évacue la question de la mise en jeu. Du corps amoureux. On écarte cette dimension-là pour se concentrer uniquement sur le sentiment. Et du coup, on retombe aussi dans une certaine forme de mythe de l'amour qui ne serait, enfin, de l'amour purement sentimental. Alors que ces deux dimensions, fondent la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse, c'est à la fois cette question du sentiment, et puis c'est cette question du sentiment articulée à un corps vécu, à un corps vivant. Mais évidemment, ça, et c'est aussi articulé à la question du fantasme, mais ça, c'est ce qu'on met pas. On ne le fait pas intervenir via le site de rencontre. C'est pas sur le site de rencontre que l'on va. Que l'on va évoquer son fantasme de prendre l'être aimé dans telle ou telle position sexuelle. C'est pas là-dessus qu'on va le gérer. Ça, on va le gérer sur le site pornographique. Alors que dans la rencontre amoureuse, cette dimension-là, elle existe. On rencontre quelqu'un, il y a un sentiment qui naît, évidemment. Mais ce sentiment amoureux, il est aussi alimenté par des fantasmes liés au corps. Et cette séparation-là de l'amour avec le corps est évidemment préjudiciable et fausse, est une illusion. Voilà. Juste pour finir et pour faire peut-être la transition avec Philippe. Il y aurait aussi la question du jeu à aborder. La rencontre amoureuse via le site internet, elle s'inscrit pas dans l'univers du jeu. Elle s'inscrit pas dans l'univers de l'imagination créatrice. Elle s'inscrit fondamentalement dans l'univers du travail. C'est aussi une prolongation de l'univers du travail. C'est la mise en ordre rationnelle d'un choix, c'est un travail de sélection, c'est un travail d'objectivation, et c'est absolument pas un travail de création libre, ou en tout cas qui ne reposerait que sur les codes et les règles que l'on est en capacité de s'inventer avec l'autre. Ici, les règles du jeu, elles sont données. Les règles du jeu, elles sont données d'avance. Et forcément, elles faussent le jeu, ou en tout cas, c'est plus le jeu, et là, on pourrait peut-être aussi... travailler avec Winnicott, à la limite peut-être est-ce que c'est du gaming, c'est-à-dire un jeu organisé avec des règles prévues, mais en tout cas c'est pas du playing, c'est pas le jeu libre, c'est pas le jeu que l'on est en capacité qu'on est en capacité d'inventer ou de créer. Voilà, pour faire la transition.